Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. C'est moi qui est au micro, au Python, site internet, tout ça. Donc, c'est ça. Cette semaine, j'avais pas mal hâte de faire l'émission. J'ai trouvé plein de bonne musique. Donc, c'est ça. J'avais très hâte de vous présenter tout ça. En première partie d'émission, on va écouter de la musique à tendance post-rock, peut-être même un petit peu par bout mat-rock. Puis, la seconde demi-heure va être plus la musique électronique. Vous allez voir, je vous ai trouvé des trucs vraiment intéressants, des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Pour ça, ben, c'est assez facile. Vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Également, pendant l'émission, pendant les pièces, si vous voulez me rejoindre par téléphone, vous pouvez le faire. Vous avez juste à composer le 418-640-1586. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, cette semaine, on va débuter avec Radio System, la pièce Far From Truth. Puis ensuite, de ça, un groupe français qui s'appelle Versus. La pièce s'appelle R, Mr. Egghead. Donc, pour tout de suite, on débute Web Music avec Radio System. Thank you. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique sur les à l'antenne de CKRL. Donc, on vient d'entendre deux groupes de la France. Ce qui vient de passer à l'instant, c'était Versus, la pièce R, Mr. Egghead. Avant ça, c'était le groupe Radius System avec leur pièce Far From Truth. Donc, deux excellentes pièces, quand même assez longues. On va poursuivre l'émission avec deux autres pièces qui sont un peu dans le même esprit. On va débuter avec un groupe polonais qui s'appelle Plug and Play, la pièce Enemy. Ensuite de ça, c'est un groupe qui vient de Istanbul en Turquie. Le groupe s'appelle Quanta. Je vais passer leur pièce Parmakizi. Donc, pour tout de suite, on entend Plug and Play. Thank you. Vous recherchez une hygiène de vie? En devenant membre de CKRL, vous obtenez 10 % de rabais au Centre de Yoga Québec. Renseignez-vous au 525-96-42. Vous voulez être membre de CKRL? Rien de plus simple. Téléphonez au 640-2575 poste 203 ou passez au 405 3e Avenue ou encore, payez votre adhésion sur le site sillon.com. Let's go! Tous les mercredis, Tania Beaumont vous met au parfum de l'actualité culturelle et vous présente l'émission Québec, c'est pas un village à l'antenne de CKRL. C'est un rendez-vous incontournable entre 17h30 et 19h30 afin de tout connaître sur la vie culturelle de Québec en direct du bar Le Sacrilège. Hey! I wanna go crazy. Vivre ce qui se passe à Québec, branché sur la relève. Un seul endroit, une seule fréquence. Au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean, pour 89,1 CKRL, la radio culturelle. Une présentation de Boréal et de Pastissimo. I wanna go crazy. Vous écoutez CKRL 89,1, la radio culturelle à Québec. Touch caroling, dance to escape now. Touch caroling, dance to escape now. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Tout juste avant la pause, mon Dieu, c'était vraiment une pièce excellente. C'est par un groupe qui vient de Istanbul, en Turquie. Le groupe s'appelle Quanta. Ça s'écrit Q-U-A-N-T-A. Donc, leur pièce s'appelle Parmakizi. Si vous voulez la télécharger, ben rendez-vous sur le blog de l'émission. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Avant ça, c'était un groupe polonais du nom de Plug and Play. C'était la pièce Enemy. Pour poursuivre l'émission, on va se diriger vers des pièces un peu plus, ben pas un peu plus, carrément électroniques. Donc, la première pièce que je vais vous présenter, ça, c'est du groupe Black Era. C'est un groupe qui vient de l'Italie sur l'excellente étiquette A Quiet Bump, donc une étiquette qui vient du sud de l'Italie. Je vous fais passer la pièce I've Been Silent Enough. Donc, c'est un genre de dubstep. J'adore Black Era. J'ai écouté leur album toute la semaine. C'est vraiment spécial comme musique. Je vous invite à télécharger l'album. Il est vraiment très bon. Donc, ensuite de ça, ça va être Métastase de la ville de Lyon en France. C'est sur l'étiquette Libre comme l'air. Anciennement, c'était les cristaux liquides. Ils ont changé de nom. Donc, Métastase avec sa pièce Suspect. Vous allez voir, il y a des échantillonnages pas piqués des verres là-dedans. Donc, c'est ça pour tout de suite. On entend Black Era, la pièce I've Been Silent Enough. Voici chacun. choisi le dernier. Tu n'as jamais été là. Tu n'as jamais été là. Yeah. De Lyon en France, c'était Métastase, sa pièce Suspecte. C'était sur le net label Libre comme l'air, anciennement appelé Les Cristaux Liquides. Donc Métastase, un artiste vraiment intéressant, qui est supposé d'ouvrir son net label depuis un certain moment, mais ça se fait pas. J'imagine qu'il doit être très occupé en tournée. Mais j'ai bien hâte qu'il ouvre son net label. Il y a vraiment des trucs très intéressants. Vous pouvez télécharger ça sur le net label Libre comme l'air. Avant ça, ben, c'était de l'Italie, Black Era, un genre de dubstep vraiment intéressant. C'était la pièce I've Been Silent Enough. C'était sur l'étiquette Quiet Bump, une étiquette italienne. On va poursuivre Web Music avec l'artiste Radar Film. Vous allez voir, c'est très drôle. C'est du techno minimal fait avec des bruits de bouche. Donc, c'est assez spécial. C'est sur l'étiquette allemande Phantom Tone. Donc, je vous fais entendre la pièce Co-Flow Man featuring Eberhard. Puis ensuite de ça, sur le net label japonais Bumfoot, un artiste irlandais du nom de Junio 85. Une pièce vraiment drôle avec des petits, on dirait des petits beats analogues. Donc, la pièce s'appelle Raymond Scott. Donc, pour tout de suite, à Web Music sur les ondes de CKRL, on écoute Radar Film. Thank you. Je sais pas pour vous, mais cette pièce-là me fait rire. C'est épouvantable, elle est vraiment bonne. Donc, il s'agit de Junio 85, un artiste irlandais. C'était sa pièce Raymond Scott. C'était sur le Netlabel Bumfoot, Netlabel qui vient du Japon. Avant ça, c'était de Berlin, Radar Film, la pièce Koflomon featuring Eberhard. C'était sur le Netlabel Phantom Tone, Netlabel qui vient de l'Allemagne. Ça va être déjà tout pour Web Music. Je vais vous faire passer une dernière pièce. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez aussi télécharger la balado-diffusion de l'émission. Donc, si vous ne pouvez pas être disponible le dimanche soir, vous pouvez réécouter l'émission en tout temps. Donc, vous avez juste à télécharger le fichier et faire jouer ça dans votre lecteur MP3, plutôt votre baladeur MP3 préféré. Donc, vous ne manquez rien de web musique. Ça se trouve tout ça au www.webmusique.org. Donc, le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, c'est ça, je vais vous laisser avec une pièce de Rafiral Firo. C'est enregistré lors du Net Audio Berlin Festival. C'est donc, cette prestation a été enregistrée au complet. Puis, c'est disponible dans la section Goodies du Netlabel Fresh Pulp Records. Donc, allez télécharger ça, vous allez voir, c'était vraiment une performance assez incroyable. Je vous fais passer la pièce Cubanos y Cordobeses. Excusez mon espagnol, c'est pas terrible. Donc, c'est ça, je vous souhaite une bonne semaine sur les ondes de CKRL. Ça va être Jason Vlasak qui suit tout de suite après avec son émission Sodium Haute Pression. Puis moi, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Musique. Bonne nuit. Thank you. anda mi viento? Menos mal que estoy bien y boludo, ando buscando para contarte del otro día. Deja, chihuahua. Estábamos jugando al fútbol ahí en la cancha del piso ciego y lo puso en el cabia. ¿Sabes qué? Lo bajamos con el fútbol. Le temps, où est-ce qu'on se situe dans le temps? La mort définit ça, notre espace-temps.